fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, négro, Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, Major en l'air, en l'air. DJ Miss, la légende, le son de Lantis maintenant. Tu me verras jamais faire la pute, ni lécher des culs, ni corper des boules, ni clasher des potes, ni sucer des bites. Pardon, tu me verras toujours entouré de mes frères, jamais sans mes frères. Et à part mes anneaux sur les oreilles, j'n'ai que des bites. Pas hydré, et vas-y fuck l'égalité avec mes qualités. Je vais tous les allumer, ils veulent fumer, mon calumet. Pas vrai, cherche pas, j'suis validé depuis l'éternité. Qu'ils aillent se faire niquer, j'suis broliqué, parfait. Une seule mesure et j'quiche des carrières. T'avais jamais entendu ça, du rap c'est France sans aucune barrière. Et là tu demandes c'est qui ce rookie sorti de nulle part. Je balance même pas mes meilleurs vers, j'ai les pieds sous le bar. Tu rap à haute dose, et comme le ciel n'est pas la limite, je rappe du cosmos. Ceux qui se la pètent sont au tapis et moi, on verra pas sans équipage. Je reste debout grâce au acquis des rois. Le game c'est Disney, get rich. Et mes négros m'appellent Bambi, donc je déboule avec un pied de biche. Tu peux te marrer quand je viens tenter ma chance, mais demande plutôt à ta sœur comment ça se fait que je connaisse bien sa chambre. Ils comprennent pas, alors je remets une dose. Certains MC viennent nettoyer, mais quand je débarque, ils pensent marquer une pause. Et je viens plaider la cause. Ils scandent tous que le rap est mort, mais encore hier j'ai prodigué ma prose. Ouais, y'a beaucoup de valeurs qui se perdent. Dis-leur que je suis pas petit genre, non, je suis pas petit genre. Moi, je suis le robot du bois qui fait l'écosystème. Ils me connaissent pas, ça les intrigue, mais moi, je m'installe. Kiff ma rig, faute ma tête, c'est pas un star. J'suis la plus sympa des vermines. J'voulais appeler mon album vendredi, vu que j'm'y suis tout permis. Vous n'êtes pas prêts, mais on a plus le temps. Si j'suis à cheval sur mes règles, c'est que mes négros m'appellent pur sang. Tu veux du rap conscient? Ouais, j'ai ce qui va avec, mais là c'est qu'un mistral. Juste une frappe pour que tu bouges la tête. Cherche pas, j'suis validé depuis l'éternité. Qu'ils aillent se faire niquer, j'suis broliqué. Pas vrai, c'est pas du rap français, non. C'est du T-style. Hey yo miss, ils veulent qu'on donne le sport. Oh oh, que est. Qui dit pif dit traître. Et dit type malhonnête comme d'hab. Y'a les chiffres et les lettres. Moi je laisse les calculettes au comptable. Bomba. J'ai comme une envie de casser la baraque, de les dépasser par la droite, de mettre le paquet puis d'étaquer. J'suis au taquet, passe le mic, sachez qu'ils sont à deux doigts de perdre. Tes MC n'ont plus d'inspi, gros, leurs crayons font gris mine dans tous les sens du terme. Prisonnier des préjugés, de la bêtise humaine, menotté au cliché, même les bonnes intentions ont pris du ferme. Ton rap est monté comme une allumette, pas de tabou, tu risquerais de cramer si tu voulais te fronter à nous. J'suis ni puriste, ni futuriste, anti-public, on ne fait que concocter des tueries. Oui, dans mon écurie, on se mélange pas aux figurines. Ils ont peur, j'ai pris le micro et pisse dessus, je transforme les figurines en pisse. Wow, wow. Ne croyez pas que je suis du père. S'il y a une pensée que je récupère, ouais, on garde les pieds sur terre. Ok, pépère, paraît que ça kiffe, mortel. Ok, j'arrive rapide, vas-y, je m'applique avant que ça kick, bordel. Le fou du game, pas le trou, pas le trou, pas le trou. C'est qui le vrai, c'est qui le faux. D'accord, monte à bord, on a du retard. Des rimes, j'élabore, on met la gomme pendant que tu crames. Tout dépend de la métaphore, ma rime aura du charme. Je longerai ma balle dans ta tête ou la lucarne. Dans ta tête ou la lucarne, dans ta tête ou la lucarne. En fait, on ne fait que péter la compète pendant que tu parles. J'ai l'intime conviction que des types pendant que je kick le beat. Façon frénétique, voir le pif et le bénéfice. Moi, le game, je m'en tape, j'ai tout donné. Pas de poudre aux yeux et sur mon pad. Poudronné, pas de faux départ, on est là pour de gros dégâts. Non, pas de faux départ, oh les gars. Ouais, ouais. C'est fou, ça joue des coudes pour le flou, ils vont se bagarrer. Nous on prend des coups, eux se la jouent, font que se bavaner. Marie mais tranchante, t'es pas chouchou, tu vas te faire mal après. T'es fou, à quoi tu joues, t'en pas la joue, tu vas te faire mal après. Le fou du game, pas le trou, pas le trou, pas le trou. C'est qui le vrai, c'est qui le faux. Ta thèse, c'est le fou du game, pas le trou, pas le trou, pas le trou. C'est qui le vrai, c'est qui le faux. Je leur laisse même pas le temps de souffler. Troisième couplet, je reviens vous étouffer. Mes couplets sont tout frais, tout prêt. Je vais pas louper ceux qui doutent. Et prêt à shooter le fusil en joue. Poussé à bout, on me dit shoot-les, shoot-les, shoot-les, shoot-les, shoot-les, shoot-les, shoot-les. Reconnaître ses torts, c'est douloureux pour le moral. Allez, vas-y, mon vieux, fais-toi violence. Avoue que t'es mon rap. Je pratique la mise à l'amende avec des rimes anciennes. Mes couplets sont bien coupés. Mes morceaux ramènent la clientèle. Loin des hautes sphères, ça parle que de contrats là-bas. Moi, je n'ai que faire de leurs affaires et tout leur tralala. J'en ai plus rien à cirer, gros, c'est juré. Et tu sais, moi, en amas, je pourrais finir ce couplet. Et on vous en pique, n'aimez le mal, mal. Yes, passe la chute. RODK dans la nocturne. 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Oh. Je n'y vois plus que du black. Je n'y vois plus que du black. Je n'y vois plus que du black. Avant d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai même plus pourquoi je suis hal. Tu me diras bien les sons négro propres, mais dans ma vie je fais que du sale. À force d'être dans le haram, bah forcément du bif y'en a. Et elles veulent toutes montrer leur cas vu comme cette nupeuse de Rihanna. À force d'être dans le haram, moitié car je vais skier tous les refrains. Parce que au lieu d'apprendre leur sourate, les petits ils chantent tous mes refrains. À force d'être dans le haram, je suis un mec de la night. Demande à monsieur Jack, mieux vaut ne pas me croiser sur Panam. À force d'être dans le haram, oui oui je démarre au quart de tour. On dirait je bombarde en enfer sans faire aucun détour. À force d'être dans le haram, ta wife va jeter sa bague. Parle en connaissance de cause, me demande pas si ça va. À force d'être dans le haram, je vais devenir fou, oh mon dieu. Je croyais que le son me protégeait, mais les murs ont des oreilles avec des putains de casques audio. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. Et à force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le première fois que j'ai mis des coups, je croyais que c'était sur mon pire ennemi, alors que c'était sur ma dame. À force d'être dans le haram, y'a plus rien de halal à ma dame. Je ne vois qu'une bande de cochons avec une bande de macaques. À force d'être dans le haram, je n'ai plus aucune limite. Ne me prenez pas pour un exemple, ouais, je m'en brôle que le petit refrain mimi. Tout ce qui compte, c'est le physique. J't'insulte dans ma musique. À force d'être dans le haram, pour rien, méga va te fusil. À force d'être dans le haram, ça parle de huc, de un, c'est des gros. Oui, à force d'être dans le haram, elle pose à poil sur Instagram. Elle fout la merde entre mes négros. Elle fait Zerma, c'est moi, j'ai les gros. À force d'être dans le haram, Big Black aime à le plus gros des égos. Oui, elle me shoot mon numéro comme si j'étais un super héros. À force d'être dans le haram, Juliette se tape plein de Roméo. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. Oui, à force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, j'ai niqué ma life. Mais eux, ils ne le voient pas. Parce que quand je kick, ils m'acclament. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. À force d'être dans le haram, je n'y vois plus que du black. Black M dans la nocturne, c'est 100% rap français. Les messages 41759 qui défilent, continuez. La MZ a écouté maintenant un son qui s'appelle Cramé. Planète rap, 100% rap français. Si le savoir est une arme noire, est une arme noire, est une arme noire. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais d'où je viens, je sais d'où je viens. La rue m'a ramené, la rue m'a ramené, la rue m'a ramené. J'ai atterri dans les portes de l'enfer. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je armé? Tu n'armes les gros, je suis armé, je sais qui je sais d'où je viens, je suis armé, je suis armé. Tu n'armes les gros, je suis armé, je sais qui je sais d'où je viens, je suis armé. Hein. Tu sais, la rue n'est pas étrange, même habitée par les étrangers. Au cœur tendre, le manque d'oseille nous rend dangereux. Black, peur, tange, misère, blanche. Plan, grand, tout ce que tu veux, une boîte tossée, la rue bande. Ouais, la rue bande, plus le bif est gros, l'enjeu est dangereux. Tire-toi du jeu, c'est pas jouable, mon gars, les meurtriers, grand Dieu. Je veux niquer les veines, non, même pas tes doigts, ils t'envoient les putes, ça fait honte. Le savoir est une arme, ce qui n'a plus pas sur la gâche est impulsif et nerveux. Si le savoir est une arme, les gros, j'suis armé. Car je sais qui j'suis, je sais d'où j'viens, j'suis armé. La rue m'a ramené, dans la merde à concourant, j'ai dû ramer. Sur ma route, j'ai dealé, j'ai braqué, j'ai raqué. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je cramé? Si le savoir est une arme, les gros, j'suis armé. Car je sais qui j'suis, je sais d'où j'viens, j'suis armé. La rue m'a ramené, dans la merde à concourant, j'ai dû ramer. J'ai atterri dans les portes de l'enfer. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je cramé? Le négro est sorti de tôle. C'est amer, je crois bien que c'est chaud pour ton dèche. Tu lui avais fait de faire ça, il est trop doux, mais la poche t'a laissé en dèche. Une dèche sur le dos, mais t'as plus de flèches. Jeunesse, lyonnaise, que tu te cherches. T'as plus de 24 heures, prière pour que tu crèves le temps, passe vite, il faut que tu te dépêches. Quoi t'as voulu tirer? T'es chiant, tout fait foirer. T'as voulu te mettre à braquer, pour ma peau t'as braqué. Les biscuits, tu t'es frère au Yugo, il t'a vendu ce putain de pervers. T'es reparti à zéro, à fils de pute à zéro. T'as plus tu me poches, mais t'en fous que tu prennes la vie. Tu dois des buffons à trop de feu, en t'aider, paye pas, et tu connais la suite. Si le savoir est une arme, les gros, je suis armé. Car je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je suis armé. La rue m'a ramené, dans la merde à concourant, j'ai dû ramer. Sur ma route, j'ai dealé, j'ai braqué, j'ai raqué. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je cramé? Si le savoir est une arme, les gros, je suis armé. Car je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je suis armé. La rue m'a ramené, dans la merde à concourant, j'ai dû ramer. J'ai atterri dans les portes de l'enfer. Oh mon Dieu, pourquoi suis-je cramé? Si le savoir est une arme, je suis armé, je suis armé. Je sais, je suis, je sais d'où je viens, je suis armé. Si le savoir est une arme, je suis armé, je suis armé. Je sais, je suis, je sais d'où je viens, je suis armé. Hey yo, Oui, y'a du boulot. Les recruteurs sont les plus grands crapus. T'avances des litres, mais si tu perds l'heure, tu nous cites ton cul. Tu joues les bandits, tu n'as que ta vie pour seule garantie. T'ouvres ta gueule, faiblesse d'apprenti. Dépense l'oseille, rembourse pas les négros de ma ville, pour les pour études. Paye tes dettes avant qu'on te tue. Trop de mecs dans ma life m'ont déçu. Ces négros s'imaginent pouvoir nous glisser dessus. Sur la terre, je vois pas de lieu sûr. Sinon, Ben Laden l'aurait su. Si le savoir est une arme, les gros, j'suis armé. Car je sais qui j'suis, je sais d'où j'viens, j'suis armé. La rue m'a ramené dans la merde à concourant, j'ai dû ramer. Sur ma roue, j'ai dealé, j'ai braqué, j'ai raqué. Oh mon dieu, pourquoi suis-je cramé? Si le savoir est une arme, les gros, j'suis armé. Car je sais qui j'suis, je sais d'où j'viens, j'suis armé. La rue m'a ramené dans la merde à concourant, j'ai dû ramer. J'ai atterri dans les portes de l'enfer. Oh mon dieu, pourquoi suis-je cramé? Tu n'armes les gros, j'suis armé. J'suis armé. Je sais d'où j'suis, je sais d'où j'viens. J'suis armé. J'suis armé. Si tu veux savoir, tu n'armes les gros, j'suis armé. J'suis armé. Je sais d'où j'suis, je sais d'où j'viens. J'suis armé. 100% rap français, planète rap. La nocturne. C'est la nocturne 100% rap français. Nouveauté dans la nocturne. Ous. 8-3, wesh mané. Marqué par la vie, on a vu la mort de trop près. À ce qui paraît, je représente trop bien le 8-3, marque mes trophées. J'ai pris en compte les conseils de ma mère et ceux du prophète. J'ai mis de la lumière sur mon aspect, sous mes rayons sont trop fiers. J'ai grandi près d'un four, tu remets la faute sur le hasard. Complètement pété dans le quartier rouge, survêt de l'Ajax. Vas-y, ferme ta chatte, rien que tu parles sur moi, tu me portes l'œil. Je rappe mieux que toi, je te mets Fanny. Les petits Rastazel, te laisse ton portefeuille. Je tire sur le millefeuille, je me sens si seul. Maman, sans toi, j'ai si peur. Rayo, pourquoi tu m'as dans le viseur? Retrouve-moi sur 10h. Retrouve-moi devant le dé. Là, tu fracasses la porte à 6h. Vends ta petite sœur, plaquette de videur, tête penchée. Ça, la mat, tout mon gang ramène le Wu-Tang. J'ai frappé le mur à 200, pleuré des larmes de sang. J'ai jamais crié, papa, où t'es? Ce qui est sûr, c'est que je relance ton grand frère. Aussi vrai qu'à 2L, t'es Rayo. J't'écrase le crâne avec des Armani. Tu t'as fait à Bab, étranger sa paire de Payou. Rayo, 10h du mat devant le dé. J'entends souvenir hanté. Un Rayo vient de sortir. Un autre vient tout juste de rentrer. Une ex qui sort de nulle part. Elle aimerait en savoir plus sur moi. Elle m'a revu sur le net. Je crois bien que mon rap lui a fait perdre la mémoire. Sors ta calage comme à Marseille. Short 357 comme à Dallas. On n'est pas des caïras, on amasse gros billets. Mais j'ai pas eu le temps de passer ma daronne dans un palace. Short tout droit de l'aspect Center Parks. J'ai mangé des pierres, j'ai plus le temps de niaise. J'ai connu des journées, y'avait pas un clean. J'ai passé des soirées, j'ai dépensé des mille au Dallas. C'est le seul, le coup, rien à foutre, ralasse. Flotter, Christopher Wallace. J'ai fait des progrès, trucs de salas. Money, on ne s'aime pas, père, je rase, retrache. Beaucoup de petits bâtards. Mon tueur 18 carats, si. De nos jours elle fume de la para. Elle recherche la banquette arrière du Audi A666. J'suis trop fier de mes petits. Que justice soit faite. Ça se balade dans les rues du 837 à la recherche d'un campus sans queue ni tête. Salam au gang, salam au gang, salam au rey. Il faut vraiment que ça paye. J'me roule un dernier millefeuille. Si j't'ai fait du mal, pardonne-moi. Mais si je te sors un nine, cours dans le noir. Maman, pardonne-moi. J'ai traîné devant tes détails des sangs, j'ai maintenant j'ai les cartes en main. Le passé te prend en tout, te laisse quelques photos. J'ai perdu trop de proches et puis quelques photos. On aura toute la mort pour prendre un peu de repos. Je roule des mille feuilles de scuff, toi tu quittes mes propos. Le passé te prend en tout, te laisse quelques photos. J'ai perdu trop de proches et puis quelques photos. On aura toute la mort pour prendre un peu de repos. Je roule des mille feuilles de scuff, toi tu kiffes. C'est l'aspect clic, l'aspect clic. Pourquoi tu me piques quand je te croise tu nies? Ton amitié ne vaut pas un demi. On fume que la frappe, on bicrave pas le semi. M'appelle pareil ou t'es plein de minique. Princesse, je te demande juste une minute. Je roule un dernier mille feuilles de scuff. Mon espérance de vie diminue. Qui l'eût cru? Sors du 8-3, j'ai fait mes preuves un peu comme Dao. Si je fais deux pas en arrière, je tire dans le mille. Ou d'un kick, je te mets KO. Premier proche mort de tout là-haut. On traîne devant le bloc, à qui la faute? Ça fait des semaines maintenant, paye-moi. Un peu de buzz, quelques amis ados. J'ai la sacoche, pas le sac à dos. Un flotter, les gars de Chicago. Joue pas le capot, décapit. Rap n'importe quel flow, j'te décapite. Un braqueur s'est fait descendre. Dans les mains, un factice. Tu frère, à la descente. J'rap pour la gagne qui fait du practice. En France sauvage, un peu comme Matisse. Ne lâche pas ta femme pour une pute. Envoie ta prod, j'te fais un tube. Ici on soit dans des affaires de stup. Respect aux anciens, ceux qui ont fait des thunes. Ceux qui se sont barrés au moment propice. Je m'appelle Rous, je suis qualifié d'office. Freyou, t'as le faute d'un autiste. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Et si je te sors un line, cours dans le noir. Maman, pardonne-moi. J'ai traîné devant des détails, des sangs, j'ai ma tange et les cartes en main. Mais pas assez de prendre tout, te laisse quelques photos. J'ai perdu trop de proches et vu quelques photos. On aura toute la mort pour prendre un peu de repos. J'roule des mille feuilles de skeff, toi tu quittes mes propos. J'ai pas assez de prendre tout, te laisse quelques photos. J'ai perdu trop de proches et vu quelques photos. On aura toute la mort pour prendre un peu de repos. J'roule des mille feuilles de skeff, toi tu quittes mes propos. La nocturne. Sans toi toutes ces années, pas d'attaché, pas d'emmerde. J'étais bien, j'ai rien demandé. Maintenant je ne veux pas la perdre. Je l'aime et la déteste, envie de prendre ma veste. Mais je la trouve trop mimi quand elle m'y reste. Elle arrive à m'énerver, à me faire décoller. J'aime quand elle me dit bibi, fais-moi planer. Je l'aime et la déteste, envie de prendre ma veste. Mais je la trouve trop mimi quand elle m'y reste. Elle arrive à m'énerver, à me faire décoller. J'aime quand elle me dit bibi, fais-moi planer. Où tu voudras. On se prend souvent la tête, elle comprend rien de ce que je dis. Ça part souvent en steak. Elle a les mots pointus, plus tranchant qu'un couteau. Si elle avait pas de sein, je te jure ça serait mon poteau. La vie de ma race ne rigole pas, elle me fait flipper. Passer devant la juge pour moi c'est comme d'aller au ciné. Mais c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'elle est jolie. Quand elle me dit je t'aime, m'allonger sur le lit. Tous ses défauts s'effacent comme de la pluie sur une vitre. Des papillons dans le ventre, je recommence à faire mon pitre. L'amour n'attend pas, ne connaît pas de jours fériés. On s'embrouille dans la cuisine, se réconcilie sur l'oreiller. Sans toi toutes ces années, pas d'attaché, pas d'emmerde. J'étais bien, j'ai rien demandé. Maintenant je ne veux pas la perdre. Je l'aime et la déteste, envie de prendre ma veste. Mais je la trouve trop mimi quand elle m'y reste. Elle arrive à m'énerver, à me faire décoller. J'aime quand elle me dit bibi, fais-moi planer. Je l'aime et la déteste, envie de prendre ma veste. Mais je la trouve trop mimi quand elle m'y reste. Elle arrive à m'énerver, à me faire décoller. J'aime quand elle me dit bibi, fais-moi planer. Où tu voudras. J'ai beau essayer de lui expliquer que la vie c'est pas un conte de fées. Arrête de me rendre ouf ouf. Lâche-moi tu m'étouffes touffe. Elle joue avec mes nerfs. Je l'aime pas. Plouf plouf. Oh damn. Son petit jeu ne marche plus. Ses petits yeux doux ont pris des rides. Mon cœur est devenu solide. Je crois que je vais la têche. Voilà elle sait pas qui je suis. Sur le coup de la colère. Qu'est-ce que je raconte comme connerie. Juste besoin d'air en fait. Besoin de respirer. Besoin de se manquer pour mieux s'attirer. Je l'aime, je la déteste. Pourtant je retourne ma veste. Un jour je t'aurai la lune. Contente-toi du Mont Everest. Sans toi toutes ces années, pas d'attaché, pas d'emmerde. J'étais bien, j'ai rien demandé. Maintenant je ne veux pas la perdre. Je l'aime et la déteste, envie de prendre ma veste. Mais je la trouve trop mimi quand elle m'y reste. Elle arrive à m'énerver, à me faire décoller. J'aime quand elle me dit bibi, fais-moi planer. Je l'aime et la déteste, envie de prendre ma veste. Mais je la trouve trop mimi quand elle m'y reste. Elle arrive à m'énerver, à me faire décoller. J'aime quand elle me dit bibi, fais-moi planer. Où tu seras. Comment s'amuser, tout fait. Tout recommencer, tirer un trait sur le passé. Oh baby. Oh baby. Yeah. Notre histoire d'amour commence à nous étouffer. Tout recommencer, tirer un trait sur le passé. Oh baby. Oh baby. Yeah. Canardo de retour dans la nocturne 100% rap français. Le morceau s'appelle Je la détème. Dites-nous ce que vous en pensez. 41759, le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. C'est 100% rap français comme chaque vendredi soir, posé dans la nuit de vendredi à samedi. Et le son de La Nocturne qui continue. Nocturne. Esprit Noir dans La Nocturne. C'est extrait de son EP qui est dans les bacs déjà. On l'avait découvert il y a longtemps dans La Nocturne ce son. Il n'a pas bougé, il s'appelle Celt. La drogue est dure, c'est HPR qu'aux procédures. Pour prendre de l'air, faut prendre des thunes, putain. Monsieur Dupont a plus de chance que Monsieur Sale pour intégrer une succursale. L'environnement est toujours sale, pire. On se rend compte que le temps passe, mais la violence elle reste en place. J'vois plus de sang que le temps passe, mon pote. Parce qu'en bas du bloc, ça défouraille. Y'a pas que des reçus qui avalent. J'en place une pour celle qui travaille, baby. Parce que pour vivre, il faut du pèse. Combien d'entre nous se sont dû perdre, d'autres entre temps sont devenus pères, bah ouais. En attendant que la pessimiste, on est devenu des pessimistes qui se précipitent dans le précipice. Next 7-5 degrés Fahrenheit. Qu'est-ce qui garantit de me tasser tu à part un night. Tu vois de plus en plus de corps entourés à la craie. De fougères à la rue Marcadet. Faire de l'argent propre pour fuir une vie sale. Tolda parisien du côté Eastside. Pat Schmidt, grosse plume, Béas dans les poches. Bénéfice, frère. Rends-toi compte qu'on se fait baiser. Fais pas comme tous ces grands lapins à compter les PC. La vie c'est dur, cher. Forcément faut décaisser. En bas du bloc tu perds tes potes, t'en viens à compter les décès. Ici ça sent la tâte pas de ceux que l'on n'a pas de pas. Use des points s'il y a pas de pattes. Stressé quand la pack passe. Du clan des big black, notorious big pack. Ici les flics black, mais tous les teams back. 400 ans, crois pas que la guerre elle est entérinée. J'suis venu au monde après mes tapes avec un stérilé. Petit, joue pas les architectures. Crois-moi que la cité tue, on brise ton architecture. 7-5 degrés Fahrenheit. Qu'est-ce qui garantit de me tasser tu à part un night. Tu vois de plus en plus de corps entourés à la craie. De fougères à la rue Marcadet. Faire de l'argent propre pour fuir une vie sale. Tolda parisien du côté Eastside. Pat Schmidt, grosse plume, Béas dans les poches. Bénéfice. Yeah. La vie de mes rêves, je suis venu étaler. On était jeunes, on avait des cahiers. À l'époque, on savait pas qu'on allait détailler. Et qu'à la vue des keufs, mon pote, on allait détaler. Moi, je ne suis qu'un jeune parmi tant d'autres, en gros. Je suis qu'une goutte parmi tant d'autres. Mais bon, frère, chez nous, clairement, la haine, ça sent. Alcool et fume, souvent, ça sent. Parce que nos pères sont tous absents, putain. Nos mères attendent que les blêmes se tassent. Éprouvés par un manque d'espace. Et la misère leur donne d'espace. Quant à notre état, c'est pire, on subit l'état, il s'est pris. Bienvenue dans mon état d'esprit, nègre. Esprit Noir et 7 dans La Nocturne, 100% rap français. On va rester dans le 7-5 avec Jarod et son nouveau morceau Imodium à découvrir maintenant dans La Nocturne, 100% rap français. On fera un tour dans le 9-4 à Villejuif pour découvrir un nouvel artiste qui s'appelle Rams aussi dans un instant. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Envoie les thunes, j'ai quoi le temps de te chercher. Tu connais les bails, ma gueule. On a jamais de bails, ma gueule. Envoie les thunes, j'ai quoi le temps de te chercher. Tu connais les bails, ma gueule. Check. Envoie les thunes, j'ai pas le temps de t'échapper. Envoie toutes ces infuses légères. Tu veux le tarot d'un dîme, c'est cher. J'arrive qu'avec des attaques légères. Histoire de pas les brusquer, ça pute. Viens donc me chercher dans le quai, sale pute. J'encule ces mecs, ils attendent ma chute. Ça devient dangereux quand on quitte la zone. Dès qu'ils sentent la patate, ils se calment. Ils savent gérer mes nerfs mieux que moi. Fuck les stupides, tape dans la méca. Y'a que notre son qui tourne dans la béca. Fuck un mec qui paye mon avocat. J'préfère finir au travailleur. J'vais de la zig, j'ai lâché les grammes. Dès qu'il y a l'étage, j'me barre ailleurs. Tu te fais limer, gava. Calzen enfariné, gava. Tu connais l'équipe depuis que t'as fait le compte. Essaye de nous baratiner, gava. Placement la maille, j'ai chaud. Chante, t'as pas balancé, bravo. Voilà, continue, voilà, c'est bon. J'veux bien que tu ramènes du gros. Content que tu nous passes l'info. You vois c'est le 7-5, tu connais le game. Arrête de Panama, Los Angeles. Fuck tout le game, on reste entre nous. Même sur soi que des bonnes, personne nous baise. Toutes nos armes viennent de l'Est. Tu dis pardon, je te laisse. Je vais les éliminer dans la minute, ramène le best. Je est-ce que je pourrais. La vie de ma mère, ils font pas le point va. Je te parie même mon brava. T'es mort dans le film, moi ça va. Car je compte jamais sur mes cava. Je viens pas d'un mec, ça sent le traquenard. Mon flow dans le game, c'est la traquma. Même ta vieille pute sans la tapa. On sait que tu le sens, fais pas zama. Wesh les mecs, faites-moi chose qu'elle. Avant que je vous baise en projet, wesh les mecs. Faites-moi chose qu'elle. Avant que je me change en machette, wesh les mecs. Wesh les mecs, wesh les mecs. Wesh les mecs, wesh les mecs. Faites-moi choquer, wesh les mecs. On arrive, on t'allume tos gras. Je veux le brave à la vonta sosa. On entre en guerre, on écoute Mozart. Sors la conf, qu'on s'en fume l'eau, ça big up les grands, les petits du Tiex. Comme Galadjo, ils regardent mes petits seulement s'ils sortent des fesses. Les galardos, big up les frères au Hetz. Tababouné, j'suis pas docile comme un Camerounais. Ramène ta clique, j'vais la partouzer. La vie de ma mère qui vont pas me toucher. Tu connais les bails, on arrive, on déboule en ballon, fait du sale 7-5. Y'a du feu, mon ami, wesh wesh. On va dédonner les bacs, tous les allumer, les bacs, on est à l'eau, va commencer les sesquers. Dans le calme. Prendre l'avance car il stagne. J'compte toucher des grosses calpes. Pas le sol du comico de la rue Farm. Gaba, ça va. J'ai connu le boycott un peu comme Monsieur Mbala. J'marche dans la ville, tu guettes, tu fais le malin. J'sors le neuf, tu danses à l'ambada. Wesh, ouais, c'est quoi les boys? Ça va super ou quoi? Ouais, ouais, c'est ça mon pote. J'te dis qu'il me faut mon dû. Rien à foutre d'avoir la cote. Beaucoup de meufs me courent après. J'te cache pas que ça me sert à rien. J'vais les éliminer dans la minute. Ramène le best, dis-lui que j'fais pas de calme. La vie de ma mère, ils font pas le point va. J'te parie même mon brava. T'es mort dans le film, moi ça va. Car j'compte jamais. Mais sur mes gava, j'viens pas d'un mec, ça sent le traquenard. Mon flow dans le game, c'est la traquma. Même ta vieille pute sans la tapa. On sait que tu le sens, fais pas zama. Wesh les mecs, faites-moi chose qu'elle. Avant que je vous baise en projet, wesh les mecs. Faites-moi chose qu'elle. Avant que je me change en machette, wesh les mecs. Wesh les mecs, wesh les mecs. Wesh les mecs, wesh les mecs. Faites-moi chose qu'elle, wesh les mecs. Dieu, 7-5. Je connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de faille, ma gueule. 2005, ok, pas préventif. Planète Rap, la nocturne. Ok, encore une fois, poteau, R-A-M apostrophe S, tu connais. On veut tous la monnaie, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. On veut tous la monnaie, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. Me prends pas la tête, j'ai assez de problèmes comme ça. J'sais même plus où j'suis, j'évite même plus les obstacles. Les erreurs du passé, il faut que j'comme ça. Crois-moi, j'ai plus de force, mais il faut que j'donne ça. In comme le sunshine, 9-4 VLF, tu peux pas tester. Dis-leur de pas rester, on va les infester. Rien à prouver, j'veux juste des sous. J'suis pas comme tous ces rappeurs qui font tous les fous. Poton, tes limites quand sur l'instru j'm'expose. On va tout péter, donc au micro j't'explose. Me prends pas la tête, j'ai assez de problèmes comme ça. J'sais même plus où j'suis, j'évite même plus les obstacles. Les erreurs du passé, il faut que j'gomme ça. Crois-moi, j'ai plus de force, mais il faut que j'donne ça. On veut tous la monnaie, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. On veut tous la monnaie, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. Allez hop, c'est parti, ok je vous éparpille. Je les étale musicalement et je les tartine. Oui, c'est danger, David Jean à Tanger. Tanger, mon flow ma voix, on va tous les manger. La vie ça dégoûte, la cité ça déroute. Je m'en fous de ton avis, tant que mes gars m'écoutent. Oublie ta fierté, dis-toi que je peux canner. La misère c'est une rose qui est j'ai toujours pas de nez. Tu biffes t'es accro, un gars tu baves trop. Ils vont te foutre gros, les gens savent trop. Je veux marcher dans la durée comme le McDo. Et si t'as rien dans la tête, montre pas tes abdos. On veut tous la money, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. On veut tous la money, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. On veut tous la monnaie, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. On veut tous la monnaie, y'en a marre de zoner. Sois pas étonné si on arrive au sommet. Ne prends pas la tête, j'ai assez de problèmes comme ça. J'sais même plus où je suis, j'évite même plus les obstacles. Les erreurs du passé, il faut que je gomme ça. Crois-moi, j'ai plus de force, mais il faut que je donne ça. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Jusqu'à ce qu'il en pleuve, qu'on m'appelle Pablo, que le B de B sonne avec le B de Bédo. C'était soit Yvan Colonna, soit Yvan de la Beu. Pas besoin d'être du piment dans ma vie, comme si je crachais du feu. Jusqu'à que je sois célèbre et que ça soit légal. Yes I cannabis, yes I Amsterdam. Terrorisme musique, comme si je posais des bombes. Quand les flics, je suis amnésique, je reste muet comme une tombe. Tous les jours la fête du pétard, tous les jours le 14 juillet. Je fume pas des pétards, je fume de la TNT. B.E. Lave, B.E. Lave, B.E. Lave comme un tagger. Mon nom sur tous les murs, mon nom dans toutes les couleurs. Colonna, colonna, colonna, colonna. Colonna, colonna, colonna, colonna. Colonna, colonna, colonna, colonna. Colonna, colonna, colonna, colonna. Yvan Colonna, tribandana, je suis à deux doigts de péter comme une Corolla. Devant l'ambassade des USA, je les descends tous en criant follow moi. 72, Madonna, m'attend de Nirvana comme Oussama. J'ai les diamants du Botswana. Le monde est à toi comme Tony Montana. Ne venez pas me chercher. Je suis tellement perché que personne ne peut me faire chier. Gucci, Gucci, kéfié que les filles claquent leurs fessiers. J'ai tiré sur le préfet, j'ai pas tiré sur le député. Yvan Colonna, cocktail Molotov dans une Corona. Yvan Colonna, des clous dans ma bonbonne de vodka. Yvan Colonna, financé par la marijuana. Yvan Colonna, Colonna, Colonna, Colonna. Yvan, Yvan Colonna, Colonna, Colonna, Colonna. Yvan, Yvan Colonna, Colonna, Colonna, Colonna. Yvan, Yvan Colonna, Colonna, Colonna, Colonna. Yvan, Yvan Colonna, Colonna, Colonna, Colonna. Se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, sac d'images dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir, qui partent à la dérive. Les mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire. Certains l'ont perdu, je pense à Momo qui m'a dit un plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère. T'as gagné ferme, c'est toujours la misère. Pour ceux qui poussent derrière, poussent, pousser au milieu d'un champ de béton. Grandir dans un parking et voir les grands faire rentrer les ronds. La pauvreté ça fait gamberger. En deux temps trois mouvements, on coupe, on compresse, on découpe, on emballe, on vend, on tourne de bras. On fait rentrer l'argent, on craque, ouais c'est ça la vie.